pour dire quelque chose, en fait, quelque, c'est qualche. Et quelque chose, qualche cosa. Mais ça se contracte en qualcosa. Qualcosa. Qualcosa. Donc, est-ce que vous voulez acheter quelque chose ici? Se dit. Voulez comparer Non. Qualcosa. qualcosa. Co. Co, pas co. Qualcosa. Qualcosa. Qualcosa ici. Qualcosa qui. Voilà, oui. Vuole comprare qualcosa qui? Et comment diriez-vous? Pourquoi ne voulez-vous pas acheter quelque chose ici? Perché non vole comp Vuole. perché non vuole comprare qualcosa qui? C'è sa. Perché non vuole comprare qualcosa qui? Maintenant, dites je veux savoir. Voglio sapere. Voglio sapere. Si vous voulez dire le savoir, c'est-à-dire savoir telle chose, vous devez traduire littéralement savoir le. Le se dit lo. Par conséquent, le savoir, ou littéralement savoir le, se dit sapere lo. Mais en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on contracte. Le lo se raccroche en quelque sorte à la fin du verbe et le e final de sapere tombe. On se retrouve donc avec saperlo. Bien, alors, tous les verbes italiens se terminent en re, soit are, soit ere, soit ire. Mais dans tous les cas, il y a la terminaison re. Si on veut raccrocher le à la fin du verbe, il faut l'accrocher au R et tout écrire en un seul mot. Donc, reprenons. Je veux le savoir, se dirait. Voglio saperlo. Voglio, qui s'écrit V-O-G-L-I-O, mais se prononce avec un lio, comme, un peu comme dans Lyon, comme s'il n'y avait pas de G. Voglio saperlo. Voglio saperlo, oui. Comment dit-on acheter? Comprare. Comprare, c'est ça. Et l'acheter? Lo comprare. Attention à l'ordre des mots. Comment dit-on le savoir? Saperlo. Saperlo, oui. Et donc, l'acheter? Comme parlo. C'est ça, oui. Comprarlo. Alors, comment diriez-vous je veux l'acheter? Voglio comprarlo. Bien, voglio comprarlo. Essayez de dire maintenant je veux savoir combien c'est parce que je veux l'acheter. Voglio sapere Voglio sapere combien c'est. je sais plus. Comment dit-on c'est? Eh. D'accord. Donc, combien c'est se dira Quant è Voglio sapere quant'è. Parce que Perché Perché je veux l'acheter. Perché voglio lo comprare. Encore une fois, attention à l'ordre des mots. Comprarlo. Comprarlo. D'accord. Perché voglio comprarlo. Voglio sapere quant'è perché voglio comprarlo. L'équivalent du mot cher est caro. C-A-R-O. Caro. Donc, c'est très cher se dit È molto caro. È molto caro. Et ce n'est pas très cher? Non è molto caro. Non è molto caro. Si, pour poser une condition, par exemple pour dire si vous avez le temps, se dit se, S-E, se. Alors, dites-moi, je veux l'acheter si ce n'est pas très cher. Voglio comprarlo. Voglio comprarlo si. Non, le si français se dit se en italien. Voglio comprarlo se non è molto caro. Bien. Voglio comprarlo se non è molto caro. Vous voudrez peut-être savoir si ce n'est pas trop cher. Trop se dit troppo. T-R-O-P-O. Troppo. Alors, comment diriez-vous ce n'est pas trop cher? Non è troppo caro. Oui, non è troppo caro. Et je veux l'acheter si ce n'est pas trop cher? Voglio comprarlo se... Pas se, mais se. Si. Se non è troppo caro. C'est ça. Voglio comprarlo se non è troppo caro.